Bouillonnant-Avonte. Ah, bonsoir. Tous les canards vont à la mare et c'est bien fait pour vous. Nous sommes ensemble jusque 22h. Oui, c'est ce qui paraît. Oui. Souffler n'est pas jouer. Référence à l'après-midi, n'est-ce pas ? Ici en Belgique, dans notre plein pays. C'est qu'à de le dire. Un peu inventé. Extrait du dernier album en date et nouvel album donc pour Arnold Turboust. Ça vous dira rien, mais le gars a fait un duo dans les années 80 avec Zabou Breitman pour le morceau Adélaïde nous ensorcelle. Je chante très mal, évidemment. Et c'est surtout le monsieur qui se trouve depuis pas mal de temps derrière un certain Étienne Dao. Sans blague. Ça ne s'entend pas du tout. C'est vrai, hein? Non. Mais c'est vrai que la voix, mais pas que, les mélodies. Ouais, tout ouais, clairement. Bon programme ce soir. Album de la semaine. La revue de Co&Co. Le fil rouge. Je vous ai dégoté un maxi 45 tours. Qui craque. Ouais, et ça fait un peu plus de 6 minutes, donc. Mais ça va le faire. Oula. Books on the radio. Et l'archive du jour, de la semaine, comme vous voulez, mais l'archive aujourd'hui. L'archive du jour. Voilà. L'archive du dimanche. L'archive du dimanche, on va l'appeler comme ça. Et puis il y a 2-3 nouveautés. Et puis moi je continue à balayer quand même pour revenir tout doucement, mais sûrement vers un certain top album comme ça. Ah bah oui. Genre bientôt. Dans 2 mois c'est clôturé. Hein. Bah oui. Ça va vite. C'est vrai. Ça va vite. Le temps passe vite. Le temps passe assez vite, mais bon. C'est comme ça. Hein. Il faut se faire plaisir. On ne sait rien y faire. On ne sait rien y faire. L'ironie du primate. Humour Louis-Philippard, le sarcasme prudomesque. Monsieur Naudin, vous faites sans doute autorité en matière de bulldozer, tracteur et caterpillar, mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants. Album de la semaine donc. On va partir dans le nord. Dans le nord. Dans le nord. Dans le nord de l'Europe et dans le nord de la France. Ah. Voilà. On va partir au Danemark. Ah. Et à Copenhague, plus exactement, forcément. Copenhague, ouais. Les Danois qui nous avaient déjà servi un certain groupe qui s'appelait Low. C'est vrai. Voilà. Low qui, si vous ne le savez pas, s'est séparé donc. Paf, paf. Voilà, la plus groupe. Mmh. Mais qui ont pondu un autre groupe qui s'appelle Les Wins. Ouais, voilà. C'est pas vraiment ça. C'est pas les mêmes. Ah. Non, c'est pas les mêmes musiciens. D'accord. Je pense qu'il y a eu un problème interne, donc Low est complètement terminé. Et voilà, ils ont refait un album et un mini-album. Mmh. Et c'est tout. Enfin bref, Les Wins, c'est donc le nom du groupe. Mmh. Et on va partir dans un côté un peu cure, voire très cure. Mmh. Années 70, total. Oula. 80. Oui, oui. Entre les deux. Oui, oui. Ouais. Un peu plus hargneux que du low. Mmh. Mais tout aussi dark. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon. Voilà. Alors, Les Wins, qui est un trio. Mmh. Alors composé de, je suis désolée, il y a un nom à mon avis que je vais complètement écorcher, j'en suis vraiment désolée. Du tout. Composé par le chanteur et guitariste Casper Moria. Ça va. Le batteur Matthew Moller, ça va aussi. Et chanteur et bassiste, alors Patrick Kochiszewski. Mmh. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, je suis désolée. Lui non plus. Pardon. J'espère pour lui qui. J'espère aussi. Qui sait prononcer son nom. Ouais. Et c'est déjà leur deuxième album en fait, puisqu'ils avaient déjà sorti un album il y a 3 ans, qui s'appelait Grit. Bon. L'album s'appelle Trust. Mm-hmm. On reste dans le simple. Ouais. Premier extrait pour ce soir, le morceau s'appelle Bury the Heart. We'll be right back. Les Win, extrait de l'album de la semaine Trust. Mm-hmm. On écoutait Buried Heart. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Alors il y a un côté très new wave. Ouais, alors c'est très drôle. Hein. Ouais. Évidemment, vous êtes en radio, donc vous ne savez pas ça, vous écoutez derrière chez vous, mais sachez que ça fait quelques jours où que je me replonge dans une grande série hein, historique qui s'appelait New Wave Club Classics, avec plein de choses. Et donc, je me remets un petit peu là-dedans. Et c'est marrant, t'arrives avec ce groupe-là. C'est marrant. C'est très drôle. Ouais. Parce que, le sax. Ouais, hein, pas plus tard qu'hier soir, on parlait du sax. L'importance du sax dans les groupes à l'époque. Et justement, cette basse rebondie un peu caoutchouc et tout. Et bam. Et bam. Et bam, ces gens nous font ça. Ouais. Bon. C'est pas mal. Ouais, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, il y a quelque chose. Alors, ils avaient sorti un 4 titres juste avant qui s'appelait Further. Mm-hmm. Voilà, et qui était beaucoup moins instrumental que ce qu'on entend maintenant sur leurs albums, puisqu'ils ont apporté, on a dit le sax, mm-hmm. et ils ont apporté les claviers également sur certains morceaux. C'est ça, c'est plus riche quoi. C'est ça, mm-hmm. voilà. Et donc ils ont écrit tout l'album à deux. Voilà, deux membres. Et c'est assez marrant parce que l'album s'appelle Trust, mm-hmm. et il y a un morceau qui s'appelle Jalousie dessus. Alors la question posée forcément c'était est-ce que... Ah là, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème entre le titre de l'album et le titre du morceau. Et donc, c'est là qu'ils expliquent que comme l'album a été composé avec deux membres, mm-hmm. chacun de leur côté, donc... Il fallait un peu de confiance. Ouais. Minimum, d'abord. Voilà, c'est ça. Et donc, ils disent quand même qu'il y a un lien entre tous les morceaux et c'est à nous de nous faire notre avis. Voilà, comment nous renvoyer la balle. Et ils sont ensemble, les deux, peut-être, non? Non, je pense pas. C'est peut-être ça aussi. Hein, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est possible. Je ne peux pas te dire. C'est possible. C'est possible, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, ils sont signés chez le label Big Oil Recording Company. Mm-hmm. Qui est un... Ça ne me dit rien. Non, qui est un petit label danois... qui va chercher un petit peu les groupes New Wave Classics. Revival. C'est ça, voilà. Mais ils n'ont pas tort. Non. Ils n'ont pas tort. Allez, deuxième extrait pour cet album Trust, mm-hmm. de Les Win. On va écouter Mare. We'll be right back. često buona legla i gleda kako želi je. Namestila je kosu, promenila je pesmu, lovila je pogled koji vreba je. Namestila je kosu, promenila je pesmu, izgovorila u dahu dođi čekam te. C'est nouveau, hein? Mm-hmm. Nouveau. Ah. On est parti à Belgrade. Voilà, en Serbie, on retrouve un trio qui s'appelle Repetitor. Jusque-là, ça va, c'est parce qu'après les noms, c'est en serbe. Et mon serbe, mon serbe n'est pas très évolué. Je t'en prie, je t'en prie. Trio, donc, je disais, composé de, de madame et un monsieur. On va commencer comme ça. Quand on se parle plus facile. C'est un trio, donc la basse rythmique, c'est les filles, Milena à la batterie et Anna Maria à la basse. Mm-hmm. Ça groove sévère. Quand même. Je trouve. Quand même. Et le chanteur, ce qui ramène les mélodiques et les petites explosions guitare comme ça, c'est un certain Boris, voilà, au sein du groupe Repetitor. le nom de l'album, c'est Head Says. Chess, je pense. Chess, c'est, comme ouais, Peter Che, ouais. Donc c'est Chess. Chess, ouais. Et Chess. Et le titre qu'on écoutait, c'est Suzeni Snaovi. Je vous invite à taper Repetitor, Bandcamp. Et puis voilà, il va y avoir un Chess qui va apparaître normalement dans le moteur de recherche. Peu importe le moteur de recherche que vous utilisez. Et vous êtes en Serbie. L'album est téléchargeable gratuitement en plus. C'est sympa. Donc pourquoi pas. Allez. Autoproduction. Et c'est déjà le troisième album pour ce groupe qui existe depuis 2012. Évidemment, nous, on ne connaît pas trop bien par ici. Mais en tout cas, celui-là, il arrive chez nous. Donc c'est bien. Bah, et oui. On vous en fait profiter. Hein. C'est bien. Bah, on va un peu partout. On fait le tour de l'Europe aujourd'hui. On fait le tour, c'est ça, c'est ça. La France, le Danemark, la Serbie. Bon. C'est les endroits où on ne voit pas habituellement. C'est vrai, hein. C'est bien. Un peu de dépaysement. C'est ça. Bon. Allez, fil rouge. Ah, le fil rouge. On continue avec David Bowie. David. Et nous sommes en 1984. Mm-hmm. Une très bonne. Une bonne année. Ouais. Et David Bowie sort son album Tonight, mm-hmm. Qui n'a pas fait un grand carton par chez mm-hmm. nous d'ailleurs. Où on retrouve quand même un duo avec Tina Turner. C'est vrai ça. Ouais. On évitera ce morceau, d'ailleurs. Il ne passera pas ce soir. Hein. Ouais. Enfin, si, je vois quoi, mais. Bon, je pense que tout le monde est passé à côté. Je sais même pas si c'était sur un album. Personne ne s'en souvient. Je ne sais même pas si c'était sur un album. Bah, fait. Si, sur Tonight. Voilà. Bon, d'accord. Et forcément, avec Iggy Pop. Ah oui. Bah oui. Night clubbing. You're night clubbing. Do, do, do, do, do. Voilà. l'album passera quand même les rives, on va dire ça comme ça, c'est et ça. La mer pour arriver chez nous, mm-hmm. Puisque on retrouve le morceau Blue Jean dessus. Ah ouais. Voilà, qui va permettre en fait à Bowie de recevoir un Grammy Award. Non. Si. Pour ça. Pour ça, mais pas pour le morceau, hein, je veux dire. Pour le clip ou quoi ? Ouais, voilà, pour ah le ouais. meilleur court métrage de vidéo musicale. Eh ben. Si, voilà. Tout était déjà pris, il fallait donner un truc à Bowie, c'est ça ? C'était quoi les grands albums en 84 ? Je suis occupé de chercher. J'ai pas ça en tête, mais. Bah là, comme ça, non, je pourrais pas te dire, mais. Il y a dû en avoir. Ouais. Sûrement. Ouais. Il y a des chances. Bowie va faire un concert à Wembley en 1985 pour le Live Aid. Live Aid, oh yes. Voilà. Qui est un concert de bienfaisance, voilà, mm-hmm. pour la famine en Éthiopie. Ouais. Par exemple, mais il va également, surtout, faire un duo avec Mick Jagger. Ouais. Dancing in the Street. Ah. Voilà. Voilà. Il sort un petit peu de sa dance un peu à deux balles. C'est ouais, vrai. Non, c'est bien. La même année, Bowie va travailler avec le Pat Metheny Group. Hum mm-hmm. Pour enregistrer This Is Not America. Ouais, voilà. Grand morceau. Pour un film de Falcon and the Snowman, mm-hmm. Qui fera un gros bide. Mais c'est un grand morceau. Mais c'est un grand morceau. Ouais. Allez, extrait de Tonight, je suis désolée, mais pour un extrait de l'album, donc ce ne sera pas This Is Not America ni Dancing in the Street. Bah oui, je sais. Voilà. Mais bien une reprise des Beach Boys, figure-toi. Ah bon ? Ouais. God Only Knows. Et reprend ça sur son album Tonight. Mais enfin. Si. Tout c'est monde la a petite oublié. Surprise du soir. Tout justement, le monde a oublié justement. Ça, et tout le monde a oublié ce morceau aussi. Et vous allez l'oublier juste après l'avoir fait. Non, God Only Knows, non. Mais non, mais de la mais prise de David Bowie. Que Bowie a fait ça, bon. Si, il l'a fait. Est-ce que je peux cliquer sur la table de mixage ? Est-ce que ça vaut la peine que j'enregistre, qu'on envoie ça ? Bah oui, comme ça les gens diffusent cette chose. Voilà. Vous allez donc savoir. C'est parti. God Only Knows. If you should ever leave me, my life would still go on. Believe me, the world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. But as long as there are stars above you, you'll never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. Thank you. Allez, un petit tour du côté des musiques bruyantes. Zé agité. Fille. Bowie devait être vachement être agité aussi. Hein, c'est parce qu'il n'avait pas pris assez de drogue à l'époque. Perdre dans ce... Ah ouais, mais tout l'album, c'est impossible de choisir un morceau là-dessus. Ah, quelle bouse. Bon, nouvel album à venir. Vous savez qu'il y a plein de nouveaux albums à chaque fois. Et là, en l'occurrence, c'est le fameux groupe Superjoint, nouveau groupe de Phil Anselmo qui a défrayé la chronique il y a quelques mois maintenant parce qu'il y a un petit peu glissé sur le Salinazi. Bon. Ouais, on se souvient. On sait que le bonhomme n'est pas très fut-fut. Voilà, fallait-il en rajouter une couche. Mais il sort un opus avec son nouveau groupe qui s'appelle donc Superjoint. L'album s'appelle Cocked Up in the Gears Application et c'est très très très solide, c'est vraiment du costaud, donc c'est un album à mon avis qui reviendra aussi hein, dans la nouvelle top, sauf si les gens ils se disent ouais non c'est l'autre facho derrière, voilà quoi. L'info traînait depuis plusieurs semaines hein, mais c'est bien confirmé, Aerosmith qui a donc décidé de dire bye bye un peu à tout le monde, se lance dans une tournée. Alors, une tournée qui devrait voir la fin en 2018. Maintenant, on sait tous ces groupes qui sont tournés dont on ne voit jamais la fin. Scorpion, au hasard, par exemple. Voilà. Oh. Et donc, Aerosmith devrait remettre son tablier, ses guitares au porte-manteau et tout ça et arrêter pour 2018. En attendant, ils seront au Hellfest en 2017. Ah ah. Et voilà. Vous voulez voir Aerosmith, évidemment. Ou pas. Michael Herrera et Renjo Richter qui balancent un nouveau groupe, ça s'appelle Unity, c'est tous deux des ex-membres de Gamma Ray, ils sont accompagnés pour ce nouveau groupe de Gianta Marinetti au chant, Steel E à la guitare et Sacha Owen pour les claviers. Le premier opus va sortir chez Steam Hammer, ça sera pour le printemps prochain. Vision of Disorder qui revient aussi, il y a un album en préparation et un clip visible, c'est la mode, hein. On balance des clips hein, pour annoncer les albums à venir. Electric Sky pour nouvel opus de Vision of Disorder. On poursuit un petit peu dans les news évidemment, on retiendra que Gojira fait un petit tour à la BBC, tout ça a été clippé, enregistré et donc voilà. On retiendra aussi que Rob Zombie a sorti un nouveau clip, Get Your Boots On, That's the End of Rock and Roll. Bon, c'est sympathique, ça tourne méchamment, c'est méchamment ennuyeux, c'est poussif ou possible. Je pense que le père zombie devrait aussi en rester là et puis on n'en parle plus. Hein, tant qu'à faire. Il peut encore faire des films s'il veut. Par contre, les films, ouais, rien à dire quoi. Et à la limite, faire 2-3 morceaux dans ces films. C'est ça. Et voilà, ça fera un compromis, ça fera plaisir à tout le monde. Il y aura un bon riff de guitare, il y aura des films amusants et puis ça sera très bien comme ça. Mais s'il vous plaît, plus des albums complets parce que ça ne sert plus à rien. Non. Allez, Iron Reagan, ça va être vraiment, à mon avis, la grande sortie de début 2017, évidemment. L'album s'appelle Crossover Ministry. L'album sort le 3 février. Il y a déjà un nouveau titre qui est en écoute, qui s'appelle Dying World. Je vous en parle pas comme ça, hein, mais si vous avez suivi un petit peu cette semaine, Metallica a sorti un clip tous les jours pour son nouvel opus, j'en reparle juste après évidemment. On poursuit avec quoi comme info, il n'y a pas grand chose finalement, hein. Bien sûr des nouveaux clips, donc pour Creator encore Iron Bastards, les Flaming Lips aussi qui sont de retour, ça faisait un moment qu'on n'avait plus entendu parler d'eux, reviennent aussi avec un clip qui s'appelle How, et un nouvel album pour le 6 janvier prochain pour le groupe Dropkick Murphys, 11 Short Stories of Pain and Glory, qui sortira, Dropkick Murphys, qui sont toujours bon pied bon oeil, ils font plutôt, certes, toujours la même chose, mais quand c'est bien fait, c'est bien fait. Oui. Voilà. J'avais perdu ma voix. C'est vrai. You lost your voice. Bon, allez, forcément, il fallait en parler. Hardwired to Self-Destruct, c'est le nouvel opus de Metallica. Pourquoi on est obligé? On n'est pas obligé. Qui sort chez Black Ned. Voilà. J'ai l'impression que le label, il ne fait que tourner que pour eux, forcément. Mais je pense que c'est ça. Bon, c'est un double album. je n'ai vraiment pas écouté le double album. Moi non plus. Voilà, j'ai lu pas mal de choses à gauche à droite, mais surtout chez mon ami, chez mes amis de Korenko évidemment, avec Jeff qui a fait une belle chronique où il donne tous les bons points, tous les mauvais points de ce disque. Je vous invite à lire ça évidemment. Metallica, Hardwired to Self-Destruct. Allez, ce sera le premier, le dernier Metallica cette année. Mais t'es pas bien. Atlas Rise, qui est pour le riff, moi j'aime encore bien quoi. Et puis, boum. We'll be right back. tous les canards vont à la mare. Et c'est bien fait pour vous, RQC. The vibes up. Keep it up. Don't let these people get you down. Talking about what you can't do, what you ain't gonna do, what you better not do. Uh-uh, I don't even wanna hear that. You got to keep it up. I'm a young man, you know. I'm gonna do my thing, regardless. I'm gonna get out here in the world and do it. I said do it. How? Come on. Keep it up. Keep it up. Keep it up. Keep it up. Keep it morceau groovy du soir. Mm-hmm. BT Express, Keep It Up, c'était sorti en 1982. Eh ben dis-moi. Et c'est vrai que ça groove. Hein. Ah ça. Ah franchement. Groovy, groovy. Alors, à savoir que le batteur du groupe est décédé en fait au mois de septembre de cette année. Ah bon. Voilà. Bon. En 2016. Quelle année, hein. Ça. Franchement. Ouais, il peut le dire. On aura une petite pensée pour Sharon Jones, évidemment. Ouais. Et ses potes des Dopkins, hein. Tout à fait. Bon, allez, triste. Je tends le bras. Attention. Mon Dieu. Pièce souvenir. Oui. Voilà. Uh-huh. On est en 1985. Ça sort sur un label qui s'appelle Wax Trax Records, qui est bien connu pour les sorties de Front de Cap 2, KMFDM. My Life with the Thrill Kill Cult, et un petit groupe comme ça qui s'appelle Ministry. Je ne connais pas. Qui va évidemment embarquer, développer à fond le label Wax Trax, hein, parce que Ministry, de tous ces groupes-là, c'est celui qui va le mieux marcher avec les Front, évidemment. Et pourquoi je parle des Front? Parce que on se retrouve en face, je montre au micro, mm-hmm. d'un maxi 45 tours, oui. d'un titre qui ne figure sur aucun album. Oui. Il va figurer après sur des compilations, mais sur aucun album officiel. The Nature of Love. Oula. Tout un programme, hein. Ouais. Avec la face B qui s'appelle The Nature of Love. Bah, le tiens. Cruelty Mix. Oula. Attention. Bon, allez, on va se taper quand même la face A. Mm-hmm. Histoire. Et c'est écrit et produit par un certain Al Jourgensen de Ministry, jusque-là. Normal. Oui, normal. Mm-hmm. Avec dans les musiciens additionnels, aux voix et tout ça. Patty Jourgensen, Madame Jourgensen, mm-hmm. jusque là ça va, mm-hmm. et un certain Richard 23 de Front de 4-2, si, ils ont fait ça ensemble, et cette galette est sortie chez Wax Trax Records, je le disais, mais à Londres. Oula. Eh ouais. Carrément. Petite particularité. Allez, on est parti, c'est du Ministry 1985, hein. Avec tout ce que je vous ai déjà dit des débuts de Ministry. C'est ça quoi. On risque la surprise. Ça craque, c'est normal. Go! Love. subject position. Vertical. The subject position. Horizontal. The subject position. Vertical. There were no anti-cruelty laws. There were no anti-cruelty laws. There were no anti-cruelty laws. There were no anti-cruelty laws. On the radio. Et pour l'intrigue, on va partir à Londres. On y vient. On y retourne. On y retourne. Ça tombe bien. L'auteur s'appelle Liam McAllister et le bouquin s'appelle Je reviendrai sur tes pas. Voilà. Alors, on est à Londres, forcément. Qui dit Londres dit Scotland Yard. Ouais. Forcément. Et on retrouve un flic taciturne, grincheux, il y en a. Tout ce qui va avec, il y en a. Martin Peterson, qui enquête sur une série de meurtres, mm-hmm. de trois en l'occurrence, où on retrouve la personne égorgée avec un scalpel, mm-hmm. mise en position fœtale, mm-hmm. mais surtout... avec une chanson de Bowie qui passe en arrière-plan. Ashes to Ashes. Ouais, bah tiens. Voilà. Et les CD d'Ashes to Ashes qui sont dispersés dans la pièce à côté du cadavre. D'où son surnom, forcément, le tueur est surnommé Major Tom. Bah ouais. Facile. On va pas y couper. Facile. Alors, on sait dès le début que le tueur s'appelle Adam. qu'il est psychologiquement pas très bien. Fatigué. Voilà. Drogué, qui squatte en fait, qui vit dans un squat. Et par contre, qui a un psychologue. Et qui téléphone à ce psychologue. J'ai buté quelqu'un. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Et le psychologue, au début, bah voilà, profession, secret professionnel, il ne peut rien dire. Mais le psychologue est assez bizarre. Ah bon ? On va dire ça comme ça. Et donc Martin Peterson va enquêter sur cette affaire et il va devoir se coltiner une nouvelle stagiaire, voilà, Kate Mulligan, qui en fait vient du MI5. La question est, il passe du MI5 aux affaires criminelles. Envie de changer d'air. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Et donc en fait, il y a deux intrigues dans le bouquin. Sur Kate Mulligan et sur Adam. Alors. Voilà, c'est ça. Puisque les chefs de Martin Peterson vont lui demander d'enquêter un petit peu sur sa collègue. Aussi. Pour savoir, mais, est-ce que, comme elle a travaillé au FBI, enfin, elle a travaillé pour le FBI, est-ce que ce ne seraient pas les Américains qui viendraient faire leurs petits espions ? Ah ouais ! À Scotland Yard. Oui, oui. Carrément. Et à côté de ça, donc forcément, le fameux Adam alias Major Tom, qu'il pourchasse, puisqu'en fait il ne laisse, laisse aucun indice sur les lieux, à part ce fameux hachiste ou hachise. Ce qui est déjà une belle signature. Quand même, sympathique. Voilà. Bouquin sorti cette année. Donc, ah ouais. C'est tout nouveau. Je peux mettre à nouveau si tu veux. C'est bête. Voilà. Bon, alors ça s'appelle ? Je reviendrai sur tes pas. Je reviendrai sur tes pas, voilà. Alors, il y a tout un côté psychologique dedans, et manipulation psychologique qui est super intéressant à lire. On revient sur, sur des tests qui avaient été faits à l'époque par la CIA. C'est bizarre parce qu'il y a une vidéo qui est ressortie il n'y a pas longtemps, le fameux test avec le LSD qui a été employé sur un petit village en France. Eh bien, on revient là-dessus aussi. Tout est dans tout, je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Et donc voilà, c'est un très bon bouquin. Ça sort cette année, ça a été écrit cette année aussi. Ça a été écrit, à mon avis, ce qui est bizarre, c'est qu'on parle de David Bowie, donc je me demande si ça n'a pas été écrit quand même en partie cette année. C'est une fameuse brique en tout cas. Ouais, j'ai lu en 3 jours, donc c'est pour vous dire que le bouquin est vraiment pas mal. C'est jouable. Ouais, ouais. Le bouquin est vraiment pas mal. Les personnages sont très intéressants parce qu'on comprend pourquoi, pourquoi Kate Mulligan est arrivée à la criminelle et pourquoi Peterson est ce qu'il est. Et il y a aussi tout un côté psychologique avec les personnages. Bon, bien foutu quoi. Ouais, très bien foutu. Ça sort aux éditions ? Du 1, 2, 3. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Je connais pas. Non, pas du tout. Moi non plus. Allez, nouveau. Liam McAllister, je reviendrai sur tes pas. Bon conseil consommateur quand même. Ouais, ouais, à lire. si. Vous, pas de soucis. Ça se lit très facilement. Et il n'y a pas de temps d'arrêt. Donc, bon. Donc voilà, très intéressant. Allez, fort bien. Fort bien. Si vous aimez bien les thrillers, pas trop prise de tête. qui se lisent facilement, bah, allez-y. Allez, je vous ai parlé de ce groupe il y a déjà plusieurs mois, et comme je vous disais, je fais un peu le tour de ce qui pourrait figurer, par exemple, dans des tops. L'album s'appelle Sous la peau de Maman Custers, et le groupe, c'est Maman Custers. Voilà, on va écouter Gonzo Vision, c'est parti. Sur la route qui mène à Las Vegas, 78. Devant l'étendue désertique, de la neige tombe puis s'étale comme un long couloir d'hôpital. Il est presque 3h30 du matin quand j'entrevois dans le lointain de lumière dans la nuit sans fin. Yeah. qui m'observe. Partout où je vais, ça m'énerve. C'est quoi, elle regarde un félin ou bien pire? Les deux yeux du malin. Oh la vache. Dans le virage du village damné, c'est de elle. J'arrive pas à le semer. Bordel, j'étais blême quand j'ai enclenché la cinquième. À la CIA ou à l'hôpital psychédélique, je me rappelle plus. L'adresse était très mal rédigée. Suite et fin de l'album de la semaine, donc, toujours avec les Danois de Les Win. Alors, l'album était sorti au mois de juin, donc leur tournée européenne est terminée. Bah oui. Forcément. Quand c'est prévues, fait, c'est fait. Hein. C'est ça, c'est ça. Quelques dates encore prévues en Angleterre et au Danemark. Bon. Mais pas par chez nous. Ah. Oh. Voilà. Bon, mais c'est pas... On peut dire que c'est un petit groupe? Ou bien c'est déjà un groupe Non, c'est un petit groupe. Un petit peu, ouais, c'est ça. C'est un petit groupe. Tu voyages. Si, si on prend en tête, pas plus tard que la semaine dernière, nos amis des grands hiboux ici autour, autour de la table. C'est ça, voilà. Qui tournent tout le temps, eux. Hein, donc, voilà. On a voilà. Peut-être le même genre de personnages. Sûrement, sûrement. Allez, dernier extrait pour cet album Trust. Mm-hmm. On va écouter, on en parlait tout à l'heure, le morceau de Jalousie.

Allez, l'archive du jour, l'archive du dimanche. Oui. On va l'appeler comme ça, l'archive du dimanche. Premier album. Ouais. Et ouais, pour les Beastie Boys, qui s'appelle License to Ill, album qui sortait le 15 novembre 1986. On fait donc les 30 ans du premier album des Beastie Boys. Groupe qui s'est arrêté bien malheureusement en 2012 suite au décès de MCA évidemment. Mm-hmm. Puis les autres membres du groupe ont décidé de pas aller plus loin, ce qui est normal, c'est tout à leur honneur évidemment d'en rester là. Les Beastie Boys, c'est un fameux phénomène quand même. Il faut commencer par dire un mot sur les Beastie Boys, puisque je vous dis premier album en 1986 pour ce groupe, quoi que dit-il, mais enfin avant vous faisiez du hardcore. Et ouais, ouais. Ils ont démarré en 1979, quand même. Voilà, suite à un concert, voilà, ils ont assisté à un concert des Black Flag, mm-hmm, avec Henry Rollins. Ouais. Et waouh, la grosse claque. Et nous, on va faire pareil. Et donc, les petits kids, eh ben, ils se débrouillent pour avoir quelques instruments, avoir deux, trois chansons. Et puis, ils essayent de courir aussi pour eux aussi faire des concerts comme le Black Flag. Et voilà. Et voilà, tout simplement. On retrouve donc au point de départ John Berry, évidemment. Kate Schellenbach, qui sera la batteuse du groupe. Mike Diamond, Mike D qui fera la basse. La formation comprend donc Adai Mioche, dans le rôle de bassiste. Kate Schellenbach à la batterie, John Berry à la guitare, Mike Diamond au chant. Et puis le premier concert aura lieu le 5 août 1981, ouais, le temps évidemment. Et c'était pour le 17e anniversaire d'Adai Mioche. Et donc ils se sont dit, tiens, on va faire un petit quelque chose. Et le concert a été enregistré. Et donc on retrouve ça dans Some Old Bullshit, qui est une première compilation qui sortait au milieu, mm-hmm, des années 90 et qui reprenait évidemment la première vie des Beastie Boys quand ils étaient un groupe de hardcore. Et c'était bien solide, hein, avec Grey and Mojo, voilà. Le virage, ben, c'est parce qu'ils vont s'essayer, voilà, pour rigoler, à faire du rap. Ils vont sortir un maxi 45 tours qui s'appelle Cookie Puss, mm-hmm, et qui sera un vrai carton. C'est un vrai bon morceau de rap. Et donc, ils vont continuer simplement à aller dans cette aventure-là, dans cette direction-là. Et en 86, va sortir, ils prennent le temps, évidemment, va sortir le premier album. S'il fallait situer dans la discographie, c'est un peu compliqué pour les Beastie Boys. C'est quoi le meilleur, c'est quoi le moins bon? Franchement, ça, c'est compliqué parce que c'est typiquement le genre de groupe où tous les albums sont égaux les uns par rapport aux autres. Mm-hmm. Il n'y en a pas un qui surpasse l'autre. Il y a des points de vue différents dans les albums, mais il y a une telle énergie et un tel mélange, un tel mix, et cette sauce qui prend vraiment, vraiment bien, que c'est compliqué de les distancer. Bah, évidemment, License to Ill, elles sont un peu vieillies, voilà, c'est un peu plus cheap. En 89, il y a Paul's Boutique qui est très, très solide, qui va un petit peu faire l'unanimité. Suivi en 92 de Check Your Head, qui est très très solide aussi. Et puis Communication, dedans il y a Sabotage. Mm-hmm. Voilà, donc c'est carton assuré, carton international. Et dans les derniers, je dirais To The Five Borough, évidemment, suite aux avions qui se sont écrasés, évidemment, sur les tours. Il y aura cet album hommage, déclaration d'amour même, à New York, To The Five Borough, qui est un disque vraiment très très chouette, très bien fait, très intéressant. Mais ouais, il y a cette petite triplette, License to Ill, Paul's Boutique, Check Your Head, à avoir quand même en main. C'est pas pour faire le vieux con, mais pendant 6 ans, ils ont fait quand même des très très bons disques. License to Ill, on est surpris aussi de découvrir que le nombre de samples, évidemment, parce que c'est assez rare à l'époque, hein, c'est pas pour rien que les Beastie Boys, sans le vouloir, vont devenir des pionniers aussi. Mm-hmm. Pas des précurseurs, mais des pionniers dans le monde du hip-hop. Les Blancs-Becs, là, ils vont ouvrir la voie quand même à pas mal de gens, de personnes, pour mélanger un peu tout ça. Allez, au hasard, comme ça, Rimmin and Céline, premier titre, dedans, on retrouve un sample de When the Levee Breaks de Led Zeppelin, Sweet Leaf de Black Sabbath, ou encore I Fought the Law de Clash. Mm-hmm. Voilà. On sent évidemment d'où vient leur inspiration. Pour le deuxième titre de New Style, on retrouve Trompe de Bombe de Trouble Funk, Peter Piper de Run DMC par exemple, ou encore Two Tree Break de B-Boys. Et She's Crafty, voilà, on retrouve The Ocean, en long en large. The Ocean, c'est un morceau aussi de Led Zeppelin. Voilà un peu pour se mettre dans l'idée des influences de ces gens. Quand même pas pour rien. Évidemment, il y a le tube Fight for the Right, quand même, qui fait encore le tour du monde de toutes les booms et toutes les soirées étudiantes. Évidemment, on arrive toujours par passer Fight for Your Right. Nous, on va aller sur un morceau un peu moins connu. On est à No Sleep Till Brooklyn. C'est marrant parce que dans le premier film de Steven Seagal, c'est la bande-son qu'il y a dans le fond. C'est ce No Sleep Till Brooklyn. Voilà pour le clin d'œil. On poursuit la plage numéro 9, Paul River. Et tiens, puisque je vous dis qu'ils aimaient bien les samples, on retrouve évidemment... It's Yours de LA Rock et Jazzy J. Bon, ça peut aller. Ouais. Et puis en fond sonore, c'est Rocket in the Pocket de Ceron. Wow. Beastie Boys, Paul Revere sur License to Ill, album qui sortait le 15 novembre 1986. Bon anniversaire. Et allez, c'est vraiment une bonne plaque à avoir. Thank you. Retrouve-nous sur Facebook, www.facebook.com/RQC95. RQC. Nouveau. We'll be right back. Oufti. Oufti. Allez. Nouveauté. Nouveau. Moon Duo revient. Ah. Bah oui. Cold Fear. Le morceau s'appelle Cold Fear. C'est extrait d'un album qui sortira en 2017, en février 2017. Mm-hmm. Plus précisément, l'album s'appelle Occult Architecture Volume 1. Eh bah écoute. Ça promet du bon. Ouais. Bah évidemment. Comment dire ? Une griffe comme ça. Quand même. Bon allez, moi je balance un petit jingle là, attention. Juste un petit comme ça, ça va faire simple. Vous écoutez, Fume, c'est du belge. Ouais, c'est ça, tu rentres un petit peu dans une autre région, on va dire ça comme ça. Hein. Fume, c'est du belge parce qu'on s'en va en Belgique avec un groupe qui s'appelle Rocus Pocus. Oula, c'est bien du belge. Ouais, c'est bien du belge, qui sort un album qui s'appelle The Dark Side of the Raining Blood. Tout un programme, évidemment. Ça sort chez Pogo Records, le label, par exemple, de Missile of October, ou encore Put, ou Department of Correction, etc. On est dans rayon bien bruxellois. Mm-hmm. Voilà. Hein, donc, et Rocus Pocus pour les plus anciens. Je sais qu'il y en a de l'autre côté. Bah, figurez-vous que c'est les anciens. Ah, mais Mousse Papam, un groupe belge aussi, début des années 90, qui s'appelait Ah, mais Mousse Papam. Et ils reviennent avec ce nouveau nom, Rocus Pocus. Extrait de The Dark Side of. L'album sort évidemment, hein, donc c'est nouveau aussi. Hein. Je peux aussi le mettre. Nouveau. Voilà. Ben voilà, l'album sort donc chez Pogo Records. Extrait de cet album, on va écouter Little Demon. Je redis le nom de l'album qui fait vraiment marrer, The Dark Side of the Raining Blood. Rocus Pocus, Little Demon, c'est parti. récapitule dans le calme. On la débusque. On la passe à l'acide. On la découpe au laser. On la dissout et on balance ce qui reste dans le lac Dominique. Bonheur. Rien, ça. Ouais. Petite nouveauté, le groupe s'appelle, je sais pas comment on doit vraiment les appeler en fait, c'est 4V, donc VVVV. Ouais. Voilà, ce sont des Bordelais. Ouais. C'est, l'album est sorti vendredi. C'est très très bon. Voilà, c'est album éponyme et sorti chez A Temps Rêvé du Roi et Détonic. Eh ben dis-moi, c'est ouais, très très très bon. C'est très très très bon. Ah ouais. À retenir les Bordelais. Vivement la suite. La semaine prochaine. Ah bah ouais, ça chouette. Voilà. Allez, je vous disais, on fait un tour sur les albums qui pourraient figurer sur des tops comme ça. Pur hasard, bien sûr. Orphans of the Black Sun, Mutter Lane. Ça a été un gros coup, quand évidemment. Même, ouais. Extrait de cet album, on va écouter Ghost Army. C'est parti. We'll be right back. Chapter Lane, Ghost Army, extrait de Phones of the Black Sun, qui devrait figurer dans l'un ou l'autre top des albums sortis cette année. Il y a des chances. Hein ouais, il y a des chances. Je dis ça comme ça. Quand même. Ouais. Allez, morceau de décroche. Mm-hmm. On va partir en 1991 pour morceau, l'album sorti en 1992. Ah ouais. Ah ouais. Bon. Voilà. 25 ans plus tard. Ouais. Zach de la Roca revient. Ah bah oui. Rage Against the Machine. Ah. Bah oui. Oh. Killing in the Name. Oh. Ah bah ça. Ça. Allez. Donald, c'est pour toi celle-là. C'est bah oui. Fait exprès. Yeah.